Chapitre 4e, le charme de la campagne. Mardi 7 mai 1966, retour à l'enquête sur l'assassinat de la route de Rognes. J'interroge le couple de promeneurs qui a découvert le mort dans la voiture. Alors vous étiez tous les deux en train de marcher, c'est ça? Mais, inspecteur, les gendarmes nous ont déjà posé les mêmes questions. Pardon, appelez-moi commissaire. Le procureur a décidé de confier l'enquête à la police judiciaire. Nous vous posons les mêmes questions, mais peut-être que vous ne nous direz pas les mêmes choses. C'est souvent comme ça que nous apprenons ce que nous cherchons. Alors donc, vous étiez dans la Pinède? Oui, c'est ça, commissaire, répond Gérard, l'homme qui a trouvé le corps avec sa femme. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'une épave. Au début, dans la voiture, je n'ai pas compris que c'était un corps. Je croyais que c'était un tas de chiffons. Et c'est Catherine qui m'a alerté. Oui, répond Catherine, c'est parce que j'ai vu les cheveux. J'ai regardé de plus près, la tête était pleine de sang. Il ne bougeait pas, là j'ai compris qu'il devait certainement être mort. C'était plein de mouches qui bourdonnaient. Alors nous sommes remontés sur la route pour arrêter une voiture et prévenir les gendarmes. Oui, parce que pour l'ambulance, c'était plus la peine, car déjà le cadavre ne sentait pas très bon, fait Gérard en se bouchant le nez. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la voiture n'avait pas de plaque minéralogique. Et vous n'avez rien remarqué d'autre? Non, nous sommes restés au bord de la route à attendre les gendarmes. Bon. « Je vous remercie. Ça corrobore la déposition que vous avez faite aux gendarmes. Vous nous direz ce qui s'est passé, monsieur le commissaire ?»« Tant que l'enquête préliminaire n'est pas vraiment terminée, je ne pourrai rien vous dire, malheureusement. » Serge Michaud, officier de police principale, entre dans le bureau, jovial. Lui est tout le contraire de moi. Il possède plusieurs pantalons de gris différents, porte toujours des chaussettes noires, des souliers à semelle épaisse, noirs ou marron foncé. Jamais de blouson, mais des vestes dans les gris, en tuiles ou en velours, de la poche desquelles dépasse toujours un papier ou un stylo. Toujours des chemises blanches en nylon avec une cravate noire en tricot. Et pour terminer le tableau, une pipe fichée sous une moustache à la Brassens. Seule concession à la mode, une paire de lunettes avec une barre supérieure noire, suivant la ligne des sourcils, et des verres tenus par un fil de nylon. L'ensemble signale plus comme un prof de philo que comme un flic. « Tenez, commissaire, le rapport des gendarmes. Tu l'as lu ?»« Bien sûr que je l'ai lu. » »« Ils ne nous l'envoient pas pour faire des cocottes en papier. »« Mais vous savez qu'ils n'ont pas apprécié du tout d'être dessaisis de l'affaire ?»« Le brigadier qui m'a remis m'a même dit que nous allions foirer le truc, comme d'hab. »« Ah, cette guéguerre des services, ça met de l'ambiance. »« Bon, il faut bien que tout le monde vive, pas vrai ?»« Bon, Michaud, eh ben, puisque tu as lu le rapport, tu vas pouvoir répondre aux questions qui m'intéressent. Ça me fera gagner du temps. » Michaud me lance un œil qu'il doit vouloir dire. Plus ils sont gradés, moins ils veulent en faire. Attends, Michaud. D'abord, le proc a ordonné une autopsie, non? Eh oui, c'est même ce qui a fait décoller l'affaire. Est-ce qu'on a aussi le rapport du légiste? Ouais, je l'ai lu aussi. C'est vachement bon. Alors, à quand remonte la mort? La veille au soir du jour où on a découvert le corps, c'est-à-dire samedi soir. Et de quoi est mort le gars, de façon précise? Le corps est cassé de partout. D'après le légiste, l'homme a eu la cage thoracique enfoncée par le volant. De multiples fractures aux membres, gros traumatisme de la boîte crânienne avec fracture, mais ce n'est pas tout. Eh bien, accouche. La tête était percée d'une balle retrouvée dans le cerveau, du 9 mm. Puis il y a autre chose, patron, quelque chose de beaucoup plus grave. Michaud est tout à coup très sérieux. Il me tend une enveloppe contenue dans un sac plastique. Attention aux empreintes, me dit-il. Le légiste a trouvé ce billet dans les poches du mort. Il m'a fait jurer de vous le remettre personnellement. Je me munis de gants et j'ouvre l'enveloppe, déplie le billet et lis. Je suis sûr que ce sol de Volpi va finir par avoir ta peau. Il te file depuis un moment, gaffe-toi. Ça se pourrait qu'il te prépare un coup tordu. Fais attention, René, ça sent mauvais pour toi. Je viens de recevoir un électrochoc. Qu'est-ce que mon nom vient faire là-dedans? Je crois vivre un cauchemar. Est-ce que je me dédouble ou est-ce que je vis réellement l'instant présent? J'éprouve une sensation étrange et insoutenable. Être ici, ou croire qu'on existe. Avoir l'impression d'avoir déjà quitté le royaume des vivants et d'errer dans un éther fétide de mort. Ce prénom, il me parle, ce prénom. Mais il ne peut s'agir de... Commissaire, ça ne va pas? Vous devriez vous asseoir. Vous voulez un verre d'eau? Oui, si tu veux. Je crois que c'est les médicaments que je prends. Ce sont les médicaments ou le billet? Vous pensez qu'il s'agit de vous? Bien sûr, mais je sais pas, je comprends pas. Je balbutie. J'ai du mal à trouver mes mots. Michaud m'aide avec toute sa bonne volonté. Pour l'instant, nous allons garder cette enveloppe ici, en attendant d'y voir clair. Vous êtes d'accord ? Oui, Michaud, fais ce que tu veux. Lentement, je refais surface. Pour l'instant, je ne vois pas ce que j'ai à voir là-dedans. Il me faut reprendre un fonctionnement normal de commissaire au travail. Est-ce qu'ils ont trouvé des traces de freinage sur la route ? Je demande. Le rapport ne le mentionne pas. Par contre, sur les vêtements du mort, il y avait de légères traces de poudre qui indiquent que le coup de feu a dû être tiré de très près. Et que pense le légiste de la balle dans la tête ? À quel moment a-t-elle été tirée ? Le gars peut être tué avant ou après l'accident. Le légiste n'est pas formel sur ce point. Enfin, il pense que les deux choses sont presque concomitantes. On n'a trouvé aucune trace de sang sur la route ? Ben non, mystère. Et il s'était suicidé. Après tout, on ne sait rien de l'état mental de ce Gus. Michaud essaie de trouver une échappatoire qui permette pour l'instant d'éluder la lettre trouvée qui semble tant me déstabiliser. Michaud, ça ne tient pas debout ton histoire. On aurait retrouvé l'arme. Je sais, mais je n'ai aucune autre idée pour l'instant. Répond Michaud en allumant sa pipe. Je dois avoir l'air assez mal en point. Michaud me regarde en drôle d'air. Visiblement, il donne le change, mais il n'est pas dupe. Et on ne sait toujours pas qui c'est, ce Gus, comme tu dis ? Je demande ingénument. Ben non. La tête comme un ananas, pas de papier. On va attendre de voir les avis de disparition ou d'identifier le véhicule. S'il n'a pas de famille, on peut attendre longtemps. Riche idée qu'a eu le proc de nous donner l'affaire. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, faut qu'on se remue un peu. Écoute, Michaud, on va aller voir ça de plus près par nous-mêmes. Allez, arrive. Ouah, on va dans la belle Chambord, du tonnerre. Tu plaisantes, on va prendre la 403. Ah, dommage, on aurait pu draguer un coup. Draguer avec la tête que t'as. Et vous, vous êtes vu ? Il faudrait tomber sur des folles avec un mec comme vous. Caramatran en bas. Sa Majesté Carnaval, en Provence, murmure-t-il. Il m'a traité de carnaval, ce fourbe. Accroche-toi, au lieu de marmonner n'importe quoi, fada. Vous savez que bientôt l'administration va nous mettre des ceintures dans les voitures. Oh, pauvre. Pour déferrouiller, ça va être coton. Jamais je ne mettrai un truc pareil. Sorti d'Aix-en-Provence, sur la route d'Avignon, je me détends un peu. L'énorme bloc qui pesait sur mon estomac est enfin descendu. Biba paloula, she's my baby. Biba paloula, toi et ma douce amie. Arrêtez votre édit, commissaire. En plus, les paroles sont un peu cucu, vous ne trouvez pas. C'est vrai que c'est ni du Léo Ferré, ni du Mouloudji, monsieur l'intellectuel. Ouais, faut pas le prendre comme ça. Mais vous pourriez chanter du Brassens. Ah, c'est vrai, ça, c'est un tello. Excuse-moi, mais les bons publics, c'est guère plus puissant que moi, Biba paloula. Tout de même, ça est notre classe. Ah, parlons-en de la classe. Ah ouais, une classe de bouseux, oui. Il commence à me nifler. Allez, ferme-la, tu comprends rien. La musique, c'est la musique. Les goûts ne se discutent pas. En tout cas, ton Brassens, il aurait fait fortune plus vite s'il avait rappé du parmesan sur sa guitare. Ça aurait été tout aussi musical. Et toc. Bon, on y est sur la route de Rogne. Alors, c'est où ? Attendez, continuez. Je vous dirai de ralentir quand on arrivera. C'est bien plus loin que la route fait des lacets. Voilà, ralentissez, ce n'est pas loin. Arrêtez, c'est là. Je garde la 403 en marche arrière dans l'entrée d'un chemin forestier. On descend de la voiture et on commence par jeter un coup d'œil sur le panorama qui s'offre à notre vue. Des champs labourés, à la terre rouge et grasse, enserrés dans un cavalier de verre. Celui des pins sert de teinte médiane. Plus clair et tendre, celui des platanes, presque kaki. Celui des chênes kermès, étirant sur le noir, celui des cyprès. Au loin, on aperçoit les vignobles de Rogne. Après une grande bouffée d'air frais qui lève la tête, je me mets à scruter le bord de la route. Voilà, c'est exactement à cet endroit-là qu'ils ont trouvé la bagnole, dit Michaud. Vous voyez les traces d'herbe arrachées, les pierres décellées ? Au bord de la route, il y a effectivement un petit parapet de pierre qu'on pourrait traiter de symbolique, car il ne dépasse pas 20 cm. Bon. Essayons de trouver quelque chose. On n'est pas pressé, hein ? Alors, ouvre les yeux. On va d'abord partir dans ce sens. Moi de ce côté de la route, toi de l'autre. Pendant un gros quart d'heure, chacun arpente les deux bords de la route. La moindre trace sur le goudron est examinée avec soin. Munis de bâtons, nous inspectons aussi scrupuleusement les talus. Au bout d'un peu plus de 100 mètres, j'appelle Michaud. Allez maintenant, on change de côté, toi ici et moi là-bas. Ben, qu'est-ce que vous voulez que ça donne, puisqu'on n'a rien trouvé? Erreur, mon BU. On change de sens, on change d'éclairage et on change de paire de yeux. Une bagnole arrive dans le virage. Le conducteur, surpris par deux piétons, nous gueule un connard. Ce à quoi je réponds par un bras d'honneur à m'en attraper une luxation. La recherche recommence dans l'autre sens et au bout d'un moment, nous revenons à notre point de départ. J'ai trouvé des traces d'huile là-bas, dit Michaud. Oui, moi aussi je les ai vues. Elles semblent assez fraîches. Elles ont pu être laissées par la dépanneuse qui a remonté la voiture. Bon, je murmure en allumant une royale. Il faut se rendre à l'évidence. Qui est que? Soit le gars a dévalé la pente et a été achevé dans sa bagnole par un coup de pétard dans la coucourde. Soit, répond Michaud, le gars a été tué d'abord sur la route et le meurtrier a poussé ensuite la voiture dans le ravin. Ok, tu me suis. Sauf que pour précipiter la voiture et démolir le petit parapet, il faut la pousser avec un véhicule et pas à la main, même s'ils étaient deux ou trois. On n'est pas dans la merde. On ne sait pas qui c'est ni comment il a été tué. Ça sent mauvais tout ça. J'adore, se réjouit Michaud. Attends, on n'est qu'au début de l'enquête préliminaire. J'ai la sensation de marcher sur des œufs. Je n'ai que des mauvais pressentiments. Vous ne croyez pas qu'on pourrait interroger les gens dans les baraques alentours? On ne sait jamais, des fois que... Des baraques? Il n'y en a pas 36. Il y a celle-là, au bord de la route, et la grosse ferme là-bas, près du château. Nous nous dirigeons à pied vers le groupe de maisons au bord de la route. On pénètre à l'intérieur d'une cour de ferme en terre battue. Une charrue rouillée voisine avec un tombereau hors d'âge. « Il y a quelqu'un ?» clame Michaud en regardant à la ronde. Une maritorne surgit de derrière un rideau de paire de bois dans une porte du bâtiment principal. Dès qu'elle nous avise, elle lève les bras au ciel. « Lucien, Lucien !» glapit-elle. « Viens vite, c'est des blousons noirs !» Pendant qu'elle rentre précipitamment dans la maison, un homme, archétype du paysan, sort de la grange voisine armé d'une fourche. « Panne de pute, cette fois-ci, vous ne vous en tirerez pas comme ça !» rugit-il en fonçant vers nous un méchant rictus aux lèvres. Alors que nous sommes tournés pour faire face à l'assaillant mâle, la bonne femme fait voler le rideau anti-mouche un fusil de chasse à la main. « Fumier, cette fois-ci, on ne te laissera pas faire !» Je glisse la main dans mon perfecto pour exhiber ma carte de police, mais la femme croit que je vais dégainer un flingue. Pris d'un réflexe soudain, je plonge au sol en criant « À terre !» à l'adresse de Michaud. On a juste le temps d'esquiver une décharge qui nous passe au ras des cheveux. Avant que la bonne femme ne se reprenne, je suis sur elle et lui balance une mandale sonore. Après quoi, tenant le fusil par le canon, je montre enfin ma carte de police. « Commissaire Bolpi !» je glapis. « Ça va vous coûter cher, très cher !» Michaud tend sa carte à bout de bras à l'intention du mari qui baisse sa fourche. « Allez, entrez là-dedans » dis-je en désignant la porte et en poussant la femme sans ménagement. Nous étalons nos cartes de police sur la table de la cuisine. Je casse le fusil de chasse et en extrais la cartouche restante. Asseyez-vous. D'abord, vous allez attentivement lire nos cartes. Après, il faut qu'on cause. Vous venez de tirer sur les représentants de la loi et pas avec du gros sel, dis-je en montrant la cartouche. Est-ce que vous rendez compte de la gravité de votre acte? Attendez, gémit la femme, on va vous expliquer. Fermez-la. Tout d'abord, je suppose, monsieur, que vous avez un permis de chasse. Pour détenir une arme chez vous. C'est-à-dire que cette année, j'ai pas pris le permis. Vous aggravez votre cas. Je confisque l'arme. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous recevez les gens de cette aimable façon. Vous êtes fada ou quoi? La femme prend la parole. On vous a pris pour des blousons noirs. Le mois dernier, il y a une bande de voyous qui sont arrivés sur des mobilettes avec des chaînes de vélo et des tuyaux en plomb. Regardez les traces sur la table. Ils ont tapé partout avec leurs chaînes jusqu'à ce qu'on leur donne l'argent qu'on avait. Après, ils ont massacré 4 poules à coups de tuyau rien que pour le plaisir. Vous avez porté plainte? Oui, à la gendarmerie. Mais ces chenapans courent encore. Et c'est pour ça qu'on s'est juré que s'ils revenaient, on les massacrerait. Alors comme ça, vous m'avez pris pour un voyou. C'est-à-dire, monsieur le commissaire, qu'avec ce que vous avez sur le dos, on pouvait se tromper. Faut nous comprendre. Bon, ça va. On va faire un effort et oublier ce qui s'est passé. Mais maintenant, il va falloir répondre convenablement à nos questions. Rassuré, l'homme propose un pastaga puisqu'il va être midi. Allez, si vous voulez, dis-je. Mais léger, hein? Oula, il arrache votre pastis, s'exclame Michaud, qui a déjà goûté le breuvage. C'est moi qui le fais, et ça fait 20 ans que j'en bois tous les jours. Eh ben, il faut bien mourir de quelque chose, pas vrai, Michaud? Puis, m'adressant aux deux bouseux, Vous savez qu'on a trouvé dans le fossé une voiture avec un cadavre dedans, pas loin de chez vous. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Ben, pas grand-chose. Les gendarmes nous ont déjà interrogés. On n'a rien vu et rien entendu. Pas vrai, Berthe ? Vous savez, quand il y a du mistral, on n'entend pas les bruits de la route. Ce ne serait pas par hasard un de vos visiteurs indésirables que vous auriez poussé avec le tracteur ? Oh non, on risque pas. Moi, si j'avais un cadavre étouffé, je l'aurais mis sous le fumier. Rien de tel pour nettoyer un squelette. Il ne fait pas très bon vous fréquenter, si je comprends bien, dit Michaud. Ah, mais attendez. Si, dit finalement l'homme, j'ai quelque chose à vous dire. Dans un chemin derrière un de mes champs, il y a des traces de pneus. Comme il n'a pas plu depuis 3 jours, elles doivent y être encore. C'est des pneus balèzes, et ce ne sont pas ceux d'un tracteur, je m'y connais. Eh bien, nous allons voir ces traces. On peut y aller à pied ? Oh oui, c'est à côté. Aussitôt, nous emboîtons le pas du paysan. Sur les lieux, nous nous mettons à genoux, le cul en l'air, pour observer les traces de plus près. Effectivement, ce sont des pneus profondément sculptés. Michaud, tu devrais aller chercher la 403. J'ai mis dedans ce qu'il faut pour prendre des empreintes. J'espère que tu mesures le professionnalisme du patron. Et comment vous allez faire pour prendre des empreintes dans le chemin ? S'écrie le paysan. Vous allez voir, je lui fais. Quand on a ce qu'il faut, ce n'est pas très difficile. Michaud revient avec la 403. En quelques minutes, je prépare le mélange nécessaire à la prise d'empreinte. Au bout d'un instant, aidé par Michaud, je réalise un assez beau moulage de la sculpture de pneus. Une fois debout, je m'écris, tout fier. Et voilà ! C'est vrai, s'exclame le paysan. C'est pas si dur que ça. Qui sait ? C'est peut-être le véhicule qui a foutu le cul d'âne dans le ravin, dit en riant Michaud. Tu trouves toujours le moyen de faire de l'humour au pire moment. Allez, Michaud, boulègue un peu. Bon. On va pouvoir se tirer d'ici. Le soir, en rentrant chez Sylvia à Marseille, je suis passé par des petites départementales pour m'aérer encore un peu. Il m'a semblé apercevoir une bagnole derrière moi. Je sais bien que quand on est sur une route, on peut avoir des voitures devant et derrière, mais je connais la route par cœur et je conduis assez vite. Pour rester derrière moi, il faut vraiment le vouloir. Surtout avec une petite panhard.